bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bienvenue au Lobster 121.0, un lobster de l'amitié. Pourquoi un lobster de l'amitié? Tout simplement parce que j'ai fait un gâteau de l'amitié. Ben là, je dis un, mais c'est plutôt vite. Je vous explique. C'est l'Halloween, on veut des bonbons. Non, pas de bonbons dans un gâteau de l'amitié. Mais partons du début. C'est quoi un gâteau de l'amitié? Le gâteau de l'amitié, selon Internet, c'est une vieille recette et on peine à retracer son origine exacte. D'après ce que je lis, certains prétendent qu'il s'agit d'une pâtisserie alsacienne. D'autres croient que c'est une invention amiche. En fait, les deux hypothèses seraient plausibles puisque, toujours selon Internet, la communauté amiche aurait effectivement été fondée en Alsace, mais bon, les origines, on s'en fout un peu. Au Québec, le gâteau de l'amitié a plein de noms. Le pain amiche, Sherwood, Herman, Joe, et il a été très populaire dans les années 70. Moi, d'ailleurs, je me souviens que ma mère en faisait quand j'étais jeune dans les années 80. Et tout le monde voulait avoir du jus de mélange pour en faire. Car c'est là que l'amitié embarque. Le jus de l'amitié. Pour faire ce gâteau, ce qui est fait à base de fruits fermentés, tu as deux choix. Tu peux commencer la recette toi-même comme un grand, mais là, ça te prend du brandy. Mais la façon qui est privilégiée dans ce concept est que quelqu'un qui a fait ce gâteau te donne une tasse et demie de son jus fermenté pour starter ta propre recette. C'est ça le principe. Tu donnes du jus de l'amitié à tes amis pour qu'ils se démarrent une recette. Moi, quand j'ai parlé sur Facebook que j'avais parti une recette de ce gâteau, tout de suite, les frères et sœurs du côté de ma mère m'ont dit « On veut du jus, garde-moi du jus! » Ben oui, tout le monde a ça, des pop-tarts, là. Tout le monde a une vieille pop-tarts quelque part qui traîne dans l'armoire, là. Aïe, donne-moi une pop-tarts, on va être bien content. C'est bon, des pop-tarts? Non, non, pas des pop-tarts. Ce qu'on donne, c'est du jus de l'amitié. Et le week-end passé, quand je suis descendu au Saguenay, j'ai amené 6 tasses de jus d'amitié que ma mère et ses frères et sœurs pourront utiliser pour se démarrer des gâteaux de l'amitié. Et la recette, c'est quoi au jeu? Je vous la lis, c'est long à faire, ça prend 30 jours, car le principe, c'est de faire fermenter des fruits dans l'alcool. Donc, recette du gâteau de l'amitié que j'ai trouvé sur le site Les Bricoles de Cléo, pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans. Il y a plusieurs recettes. Moi, j'ai vérifié avec ma mère avant de démarrer la mienne, et cette recette dont je vous parle est probablement celle qu'elle faisait dans le temps, donc j'ai pris celle-là. Voici les ingrédients. 6 tasses de sucre blanc, une boîte de 28 onces de pêche en morceaux, une boîte de 19 onces d'ananas broyé, 2 pots de cerise au marasquin rouge et verte, donc il y en a une rouge, une verte, 2 à 3 tasses de noix écroises, 2 à 3 tasses... 2 à 3, on s'en fout des ingrédients. OK, on commence. Oh là là, 6 tasses de sucre blanc, une boîte de 28 onces de pêche en morceaux, une boîte de 19 onces d'ananas broyé, 2 pots de cerises au marasquin rouge ou verte, ou un de chaque coupé en deux, 2 à 3 tasses de noix écrasées, soit des noix, des raisins ou des dattes mélangées, ça fait aussi, 4 boîtes de mélange à gâteau, petit croqueur à la vanille avec pudding, 16 œufs, une tasse et demie d'huile végétale et une tasse et demie de brandy à l'abricot si on part nous-mêmes la recette. C'est avec cet alcool, le brandy, qui vient donner une bonne odeur au mélange que ça fermente et permet de faire des bulles blanches de fermentation durant les 30 jours de préparation. Ensuite, comment on prépare ça? Dans un pot en vitre. Ici, l'important, c'est à retenir, c'est vitre. Il ne faut pas prendre du plastique. On prend un gros contenant en vitre. On commence le jour 1 par mettre les 2 tasses de sucre blanc, une boîte de 19 onces de pêche en morceaux avec le jus, la tasse et demie de brandy à l'abricot, on mélange ensemble et ensuite on mélange tous les jours pendant 10 jours. Rendu au 10e jour, ajoutez 2 tasses de sucre blanc, une boîte de 19 onces d'ananas broyé ou en morceaux avec le jus, mélangez ensemble, mélangez tous les jours durant 10 jours. Rendu au 20e jour, ajoutez 2 tasses de sucre blanc, 2 pots de cerises au marasquin coupés en 2 avec le jus. Moi, je mets un pot de rouge, un pot de vert, mélangez ensemble, mélanger tous les jours durant 10 jours. Enfin, le 30e jour, c'est fini. Égouttez les fruits et gardez le jus. Vous obtiendrez 4 pots de 1 tasse et demie de jus démarreur, notre bouillon de culture dont vous gardez un pour vos gâteaux et 3 autres que vous donnerez à des amis. Et là, oui, fin de la recette, le 30e jour, on fait quoi? On prépare nos gâteaux, ça donne 8 gros gâteaux. Voici en fast forward. Voici en lecture rapide comment faire vos 8 gros gâteaux. Dans un grand bol de strychnine, de LSD, de la morphine, faites tirer à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Hein? Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un fil à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Hein? Bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez 3 quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pain est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des gaulois. Voilà, vous avez toute la recette maintenant, si vous voulez en faire. Si vous avez un ami qui a du jus d'amitié à vous donner, vous remplacerez le brandy par le bouillon rougeâtre qu'il vous donne. Sinon, vous démarrez le tout comme un grand avec la liqueur de brandy. Ok, maintenant, on part en musique et au retour, toujours sur le signe de l'amitié, je partage autre chose avec vous. Je partage mon amour des légumes, je partage mon amour des films, je partage mon amour des livres, je partage avec vous tout ce qui se passe dans ma tête. We'll be right back. tiempo de grande pobreza y tristeza. Emiliano dejó a su familia y su tierra, harto de ver tanta pena, ahogando su patria tan querida. ¡Ya basta! Dernièrement, à la boutique Renaissance où j'ai recommencé à aller de façon plutôt régulière, j'ai encore fait des achats inutiles. Bon, je vous le rappelle, les boutiques Renaissance, c'est comme un centre de dons, les gens donnent des choses là et eux les revendent pour aider du monde. Dans mon coin, il y a toujours des belles choses à la boutique. Cette semaine, qu'est-ce que je vois pas? Une grosse pochette sur une armoire. Je vois Back to the Future et là, je reconnais le film évidemment et je me dis, ah bon, il y a un vinyle de ça? Je le prends dans mes mains et non. C'est pas un disque vinyle, non, c'est un laser disque. MCA Home Video. This video disc has a mattress surround soundtrack. Bon, moi j'ai jamais vu ça, je connais pas cette technologie, et mon cerveau, évidemment, sans mon consentement, à ce moment précis, décide que le disque est rendu à moi. C'est comme un gros disque compact tout brillant, mais gros, comme les vieux vinyles noirs. Donc, je vais à la caisse pour payer, il est 10$, c'est cher pour un décoration, mais bon, je pense mettre ça dans mon atelier garage, ça va être beau. Et au moment de payer, je dis au commis qui me connaît et avec qui j'ai l'habitude de jaser, « Est-ce que toi, tu connais ça? Moi, j'ai jamais vu ça. » Il me dit... « Non. Mais on a aussi le lecteur pour le jouer, si tu veux. Le monsieur qui nous a apporté ça nous a dit que son lecteur marchait très bien. » OK, je le prends. Bon, moi, j'aurais laissé faire. J'en avais pas besoin. Mais c'est mon cerveau qui a répondu plus vite que moi. Surtout que j'avais pogné 2 tickets de stationnement cette semaine, plus 1 de vitesse. Bref, j'avais déjà dépensé pas mal pour rien. Mais comme mon cerveau a pris le contrôle, pendant que moi je pensais à l'argent perdu en amende inutile, ben, j'ai attendu que le commis m'amène le lecteur. Donc, le commis m'amène une grosse boîte noire, un RCA multi-CD Laser Play. C'est 15$, donc c'est pas si pire, et il est même garanti une semaine si jamais ça marche pas. Et rendu à la maison, je regarde sur internet c'est quoi le LaserDisc. Donc, en même temps, je vous informe pour que vous sachiez vous aussi ce que vous achetez si jamais vous en voyez un. Le LaserDisc est le premier support de stockage optique initialement de vidéo à être commercialisé en 1978 en Amérique du Nord au début sous le nom de MCA DiscoVision. Bien qu'il offrit une meilleure qualité de son et d'image par rapport aux supports contemporains, notamment les cassettes VHS et Beta, le LaserDisc n'a connu que peu de succès en raison principalement du prix élevé des lecteurs et du fait qu'il ne permettait pas d'enregistrer les programmes de TV. Bon, moi j'ai quand même payé juste 15$ pour le lecteur, donc j'ai pas le défaut du prix. Victoire! Car je lis qu'au départ, ça pouvait coûter jusqu'à 650$ pour un lecteur. Oh là là! Bon, s'il a été dès son introduction plébiscité, bon, un mot difficile, par les détenteurs de home cinéma, c'est seulement à Hong Kong, Malaisie et Singapour dans les années 90 que LaserDisc s'est véritablement diffusé dans les foyers. Néanmoins, c'est à partir de la technologie du LaserDisc qu'ont été élaborés plusieurs supports de stockage optique, notamment les CD-DVD qui, eux, ont connu un succès considérable. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, tout, tout. Dans l'article que je lis, il y a plein d'atouts sur LaserDisc. On peut y lire « Ce support est de meilleure qualité visuelle et sonore que son concurrent contemporain, la cassette VHS. » Yes! Je savais qu'avec un disque brillant comme ça, ça serait meilleur que nos vieilles cassettes VHS, toutes noires et tristounettes. Un autre avantage, il y a des chapitres. Et oui, j'ai des chapitres, donc je peux avancer rapidement à un autre bout du film. Pas besoin d'attendre que la cassette avance ou recule. Ça, c'est un atout non négligeable. Un autre avantage des LaserDiscs par rapport à la VHS est sa tête de lecture optique et non magnétique qui augmente sa durée de vie. Même après plusieurs années, la qualité reste identique. Le support permet également de varier la vitesse de lecture sans perdre en qualité ou en fluidité, contrairement à la VHS ainsi qu'aux supports qui lui ont succédé. Pour ces raisons, il a longtemps servi de support pour des simulateurs de train professionnels. C'est quand même hot, je suis rendu dans mon salon avec une technologie de simulateur de train professionnel. J'en reviens pas. Une autre bonne nouvelle, il y a une des particularités méconnues et peu utilisées de ces LaserDiscs dans le film Terminator, entre autres, qui était la possibilité de disposer de la version originale non sous-titrée. Incroyable. Je peux écouter des films non sous-titrés. Quand même. Et à ce moment, je me suis questionné, pour la version française, est-ce que je peux l'écouter? Eh bien, c'est écrit dans les particularités. La version française s'écoute en utilisant la stéréo, le choix de la piste sonore se faisant en désactivant le haut-parleur gauche ou droite de l'installation Wi-Fi. Donc, je suis pas sûr de comprendre. Pour la track française, je dois même me mettre en stéréo et fermer un des bords. Gauche joue de l'anglais, puis droit le français, par exemple. Donc, si je joue juste un bar, est-ce que je suis revenu en mono? Bon, passons, c'est quand même de la technologie de simulateur de train et de fusée de la NASA. Je vous le rappelle, le son va être merveilleux, je n'en doute pas. Donc voilà, c'était un de mes bons achats chez Renaissance. Le monsieur qui a apporté ça avait plusieurs disques. Moi, j'ai pris le plus connu, Back to the Future 1 pour 10$. Mais il y avait aussi Back to the Future 3, des vieux films de Sylvester Stallone et des autres affaires du genre. Je me demande si je devrais pas acheter plus de laserdiscs. C'est quand même assez cher, minimum 40$ sur Amazon ou eBay. Donc, je pense que c'est une aubaine à 10$ pour cette belle technologie des années 70 et 80. Bon. Moi, au départ, je voulais juste le disque pour le clouer sur mon mur de garage, mais maintenant, je m'adresse à mes amis et à mon frère. Vous devriez vous équiper en laserdisc. On pourrait se prêter des disques pour écouter des versions non sous-titrées dans nos haut-parleurs Wi-Fi, juste un bord pour avoir le français. Ça serait quand même hot et technologique. Bon, n'achetez pas Retour vers le futur, car là, on va être fourré dans les échanges. Bon. Je sais que certains vont me dire qu'il y a des meilleures technologies que ça maintenant. Oui, mais vous parlez quand même au gars qui s'est acheté un projecteur 8 mm pour écouter Tarzan sur bande et qui s'est trompé et a acheté un projecteur 16 mm. Donc, j'aime quand même acheter ce genre de vieilles reliques ou vieilles technologies que personne ne regarde et que moi, j'accumule sans bonne raison. Voilà, sur ça, on part en musique. Et c'est surtout et encore sous le signe de l'amitié que ça se poursuit. Donc, je vous invite à parler du Lobster à une personne que vous connaissez, partager avec lui en toute amitié, que s'il m'écoute, je vais le remercier dans le prochain Lobster. Et si tout le monde fait ça, ça va être des dizaines de milliards de trillions qui vont se mettre à écouter le Lobster en toute amitié. Gentlemen, my name is Dr. Evil. In a little while, you'll notice that the Kreplakistani warhead has gone missing. If you want it back, you're going to have to pay me $1,000,000. Sorry. $100 billion. Gentlemen, silence. lots of magical times, a cabinet of curiosities. Old companions and past Christmas ghosts, juvenile levity. Sacred gatherings, pictures of days thrown away on the road to forever. Covert society buried in time, once bent on survival, not kicked out of line. On parle dans ce Lobster 121.0. Eh bien, vous vous rappelez, c'est un Lobster sous le signe de l'amitié, donc je pense que c'est important de parler du mois d'unanisme qui approche. Car être ami avec un nain, c'est une belle chose. Ça peut être un beau signe d'amitié. Le mois d'unanisme, c'est le mois d'octobre, et j'ai vu sur le site de l'AQPPT Nanisme, AQPPT, c'est pour Association québécoise des personnes de petite taille. Donc, j'ai vu sur le site des nains du Québec qu'ils ont un message pour nous. En ce moment, l'AQPPT a besoin de nous pour un truc vraiment important. Répondre à un sondage. La CPPT est en train de monter un projet de recherche qui s'intitule « Portrait de personnes de petite taille au Québec ». Dans le fond, la recherche a été créée pour mieux connaître les conditions de vie des personnes de petite taille au Québec. Donc, ça serait vraiment, mais vraiment important que vous preniez le temps de répondre à ce sondage. Le sondage dure de 15 à 20 minutes. Je sais, c'est quand même un peu long, mais c'est vraiment important. Vraiment important. Dans le fond, la recherche va nous permettre de cibler nos besoins en tant que personne de petite taille au Québec. Plus on a collecté les données grâce à ce sondage, plus la recherche va être représentative de notre réalité. Et plus la CPPT va être en mesure de bien défendre nos droits. C'est ça qu'on veut. Le sondage s'adresse à des personnes de petite taille adultes vivant au Québec. Ce n'est pas obligatoire d'être membre de la CPPT pour répondre à ce sondage. Donc, si vous connaissez des personnes de petite taille qui ne sont pas membres de la CPPT, vous pouvez leur partager ce sondage. On veut vraiment aller rejoindre le plus de personnes de petite taille possible. et ne vous en faites pas, vous donnez, on demeurez confidentiel. Au nom de la société, on vous dit un énorme merci. Allez, allez répondre au journal, là. Je vous attends. Donc, je ne sais pas si vous avez tout compris. Par moment, il faut déchiffrer un peu, parce que j'ai rien modifié de son vidéo. Mais en gros, ce qui nous explique que c'est un sondage. Oui, et on va le faire ensemble. Question de les aider un petit peu, parce que comme il a dit... Ça serait vraiment, mais vraiment important que vous preniez le temps de répondre à ce sondage. Donc, je le lis avec vous. C'est un sondage en ligne dans Forms d'Office en ligne. Ce sondage, bon, ça commence comme ça. Ce sondage s'adresse aux personnes de petite taille. La QPPT des petits nains garantit la confidentialité de blablabla. Oui, bon, ça commence. Des questions et des boîtes pour répondre. Question 1. Êtes-vous une personne de petite taille? Je vais répondre. Oui, deux fois, car moi je mesure 5 pieds 7, c'est l'équivalent de deux nains, donc on va mettre deux fois. Question 2. Un adulte qui vous aperçoit a une réaction intense, peur, recul, etc. Que faites-vous? Je me mets à la place de Willow et je répondrai, pour le rassurer, je m'approche en sautillant sur mes petites jambes en sifflotant, je garde mon épée dans mon fourreau et j'essaie d'offrir une pomme à la personne avec mon plus beau sourire. Car le sourire, c'est important, c'est toujours ça la meilleure approche, un nain qui sourit, c'est comme un enfant qui force dans sa coche. Question 3. Que répondez-vous à une personne qui vous demande « D'où viens-tu? De quel pays? » Réponse simple, je viens de la terre du milieu, j'habite près de Cul-de-sac où mon célèbre cousin Frodon habite. Bon, bien sûr, il y en a qui diraient j'aurais pu parler de l'île fantastique aussi et de Tatou, mais non, il faut rester crédible dans nos réponses pour que nos réponses au sondage ne soient pas rejetées. Donc, on va garder la réponse sérieuse de la terre du milieu. Maintenant, question 4. On vous tapote la tête ou on joue dans vos cheveux. Que faites-vous? Je jappe et saute sur la jambe de la personne en me zignant. S'il n'a pas assez peur, je pisse sur ses chaussures pour lui montrer que je ne suis pas content. Et bien sûr, je souris. Question 5. Une vieille personne s'approche de vous et vous touche. Il marmonne à la personne qui l'accompagne. Touche-le toi aussi. Un nain, ça porte chance. Que faites-vous? Bon, c'est une bonne question. Ça, c'est un manque de respect flagrant, donc je pense que notre réponse devrait être « Je prends un grand respire et je tousse très fort en direction de la personne âgée en espérant avoir les germes de la COVID. » Et je souris. Toujours important de sourire si je veux faire passer un seul message pour les gens qui vont analyser nos réponses, c'est le sourire, c'est ça la clé. Un nain qui sourit, c'est comme un Tostitos qu'on tremperait dans la salsa. C'est bon, mais des fois, ça fait chier. Question 6. On envahit votre espace dans une foule ou une file d'attente. Que faites-vous? Eh bien, je sautille en activant les bras pour me faire voir. Sûrement qu'on ne m'avait tout simplement pas vu. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, j'utilise les pics à maïs que j'ai toujours avec moi. Vous savez, les genres de pic-pic pour tenir le bon maïs chaud durant une épluchette. Et avec le pic-pic, je donne des petits coups sur les jambes des personnes dans ma bulle pour me faire voir, c'est tout simple. Mais sans blague, un nain armé de pic-pic à maïs magique dans Donjons et Dragons, ça serait-tu pas malade comme perso? Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué, faudrait jouer. Bon, question 7. Une personne s'exclame à vos côtés en disant « Check le petit nain ». Que faites-vous? Je lui répondrai simplement « Sachez que dire « petit nain » est un pléonasme. » L'utilisation de l'intelligence dans nos réponses, c'est toujours une bonne arme, car dire « petit nain », évidemment, ça ne se dit pas. Les deux mots sont synonymes de « petit ». Bref, comme je disais, c'est un pléonasme. Maintenant, on est rendu à la question 8. En sortie, on tente de vous prendre en photo sans votre permission. Que faites-vous? Eh bien, je m'échappe en courant. Non. Oh non, avec mes petites jambes, je cours pas assez vite. Non, on efface, on recommence. Je sors plutôt mon cellulaire et je prends la personne en photo moi aussi. La personne va finir par comprendre que ça se fait pas. Ici, petit aparté, ben, je vous rappelle que prendre des photos de nains, c'est pas illégal à proprement parler. Faut juste le faire discrètement car c'est toujours le fun de regarder des photos de nains à la maison. Donc, on y va mollo, on fait ça discrètement. Question 9. On arrive déjà à la fin, il y a juste 10 questions. Bon. Question 9. Un enfant vous aperçoit et dit à son parent, Regarde, un petit monsieur. Que faites-vous? Eh bien, je lui donne un coup de poing d'en face et fais semblant d'être moi aussi un enfant. Ainsi, on ne pourra pas me poursuivre. Je me sauve ensuite en courant sur mes petites jambes, le tout en souriant. Et finalement, en 10, on vous soulève de terre sans votre consentement. Que faites-vous? Eh bien, je rappelle immédiatement à la personne que le lancer de nain est désormais interdit en public. Je lui offre quand même de me verser 35$ pour qu'elle me garoche dans les buissons à l'abri des regards. Voilà, on a déjà fini le sondage. C'était quand même pas trop long. Et bon, je pense que ça va servir pour la recherche. Je suis bien content qu'on ait pu participer et aider. C'est ça le lobster de l'amitié. Et entre vous et moi, on cherche plein de solutions pour sauver la planète. Donc, imaginez-vous une planète qui serait peuplée uniquement de nains. Imaginez tous les avantages. Ça ne donne rien que je vous les laisse, mais me semble que ça serait une bonne piste de solution. Bon, je vais l'écrire dans leur petit sondage dans les commentaires. Voilà, maintenant, quoi? On termine avec une blague. Simon, une personne de petite taille, applique pour travailler dans un camp de nudistes. La patronne le regarde et lui dit « Non, malheureusement, on ne peut pas vous prendre car vous risquez de mettre votre nez dans les affaires des autres. » Et voilà! Sur ce, bonne fin de Lobster 121.0. On n'oublie pas, c'est le Lobster de l'amitié. Donc faites des bisous et des câlins consentants à vos amis. Ça va les rendre heureux. Bonne fin de Lobster! Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up, daddies. He know he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These d*** is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. Behold your nose, cause here goes the cold water. These d***s don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soul. Change what you call rage. Tear this and roof off like two dogs' cage. I was

Mais bon, c'est honnête. Hein, en plus, vous lui dites que c'est qu'avec elle. Non, non, ça peut avoir son charme. En tout cas, elle s'est pas payée ma tronche. Bon, bah, tout va bien. Attendez, parce qu'après, elle m'en a sorti une. J'ai failli avaler ma cuillère. Qu'est-ce que vous foutiez avec une cuillère dans le boudoir? Non, non, c'est une expression. Avaler sa cuillère. Bah si, oh là là, j'ai avalé ma cuillère. J'espère que vous ne me trouverez pas cavalière. En même temps, je vous ai jamais vu à cheval. Comment? Je vous ai vu une fois dans une carriole tirée par un cheval. Enfin, la carriole tirée par un cheval. On peut pas juger sur ça. C'est comme vous. J'ai dû me voir deux, trois fois arriver au trot. Vous m'avez pas trouvé cavalière. Si? Vous lui avez pas dit ça? Attendez, c'est elle qui commence avec ses histoires de chevaux. Cavalier, ça veut dire désinvolte. Impertinent. Bref, vous êtes passé pour un con. Même pas! C'est ça le pire. Elle avait un truc hyper important à me dire, elle écoutait même pas le reste. Je sais que vous n'aimez pas brusquer les choses. Nous nous voyons, vous et moi, régulièrement, et il faut bien admettre, et c'est tout à votre honneur, que vous ne pressez pas les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait que je presse comme chose? Je ne sais pas. À votre place, certains chevaliers moins courtois que vous auraient depuis bien longtemps pressé certaines choses. Ah... Vous comprenez? Non. Personne n'est plus sensible que moi à votre bienveillance, croyez-le bien. Mais, je voudrais quand même vous rappeler que tant que nous ne décidons rien à propos de vous et moi... Ouais? Je reste servante. C'est-à-dire? L'officialisation de notre union, au-delà du grand bonheur qu'elle me procurerait, hein, serait aussi un magnifique moyen de m'extirper de ma condition. Ouais, c'est pas faux. Attendez, j'ai pas bité un seul mot. J'allais pas lui dire. Non, mais c'est vous qui avez parlé d'être honnête, hein. Non, mais honnête, d'accord. Mais si ça doit me faire passer pour un faisant... En gros, elle veut se marier pour plus être boniche, c'est ça? Pas que. Elle doit certainement avoir des tas de raisons de vouloir vous épouser. Je ne cacherai pas que ça reste un mystère pour moi, hein. Mais ça doit faire partie d'un tout. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Bon, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas un conseil, sire? Moi, comme Bonnie, je peux pas la blairer. Je vous dirais bien de l'épouser. Non, mais moi, j'ai rien contre les jeux d'argent. Simplement, évitez de me tondre ma clientèle à blanc. Qu'est-ce que vous voulez? Un intéressement au gain? Je dis pas non. Bon, il se trouve que j'ai 2-3 clients privilégiés qui me font la moitié de mon revenu annuel. Alors, ceux-là, faut pas me les plumer. Attendez, celui qui est un peu attentif au jeu de la boulette, il a ses chances. Je sais qu'il se balance du haut de la falaise aussi, si vous y allez par là. Allez, seigneur Caradoc, vous allez pas faire votre femme. Ah non, merci, pas aujourd'hui. Oh, et juste une petite, qu'est-ce que vous risquez? De me faire racler. Oh, avec l'entraînement que vous avez, non mais vous foutez de moi. Tiens, la boulette de pain, maintenant que vous l'avez dans l'œil, peut pas vous échapper. N'empêche que hier, j'étais sûr qu'elle était dans celle de gauche. Bah, hier, vous étiez malade, alors ça compte pas, ça. J'étais pas malade? Si, vous étiez malade, vous étiez pas le convaincu, vous toussiez des glavios. Me parlez pas d'hier. Ah bon? Aujourd'hui, vous avez une forme olympique. Je l'ai vu tout de suite en entrant, je me suis dit, oh là là, ne joue pas avec lui parce qu'il a l'œil de taupe. L'œil de taupe? C'est ce qu'on dit chez les joueurs quand on tombe sur un imbattable. Aujourd'hui, c'est votre jour. Faut pas laisser passer ça. Si j'ai l'œil de taupe, pourquoi vous voulez jouer avec moi? Parce que vous m'impressionnez. Et j'ose pas vous dire non. Et de toute façon, je vous donne une revanche. Bon, juste une petite. Mais c'est pas vrai! Pourtant, moi, j'aurais dit pareil que vous. Mais est-ce que vous êtes pas attentif? Parce que franchement, avec les capacités que vous avez, normalement, vous devriez jamais la louper. Je suis attentif, je fais que regarder la boulette! Oui, mais vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous, vous pensez à votre femme. À ma femme? Bah, évidemment. Je l'ai vu tout de suite, moi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit encore ce matin? Ce matin, j'en sais rien. Bah, avant de partir, pour venir ici, elle vous a rien dit? Ah, puis, prenez pas sa défense, parce que ça sert à rien. Elle m'a dit à ce soir, prenez soin de vous. Ah ben voilà. Prenez soin de vous. Combien de temps elle va vous traiter comme un môme? Elle ne voit pas qu'elle a affaire à un bonhomme? C'est vrai, ça. Ah, mais moi, j'ai toujours dit. Elle vous casse les pattes le jour où vous avez l'œil de taupe. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas crime. Quelle est gourde, celle-là? Sans ces conneries, je me serais déjà refait. Sans blague, il n'y a pas de la gourdasse. Ah, mais moi, j'ai toujours dit. Bon, ouais. Bah, maintenant qu'on sait d'où vient le mal, vous allez me faire le plaisir de récupérer votre blé. Parce que moi, tout vous piquer un jour pareil, avec l'œil de taupe et tout. Je m'en remettrai pas. Allez, pensez à autre chose, là. Sans ça, vous n'arrivez jamais à vous concentrer. Allez, la boulette, rien que la boulette. Ce coup-ci, elle peut pas m'échapper. Voilà! Là, vous me faites plaisir. Le voilà, le champion que je connais. Là, ça va que c'est pour du beurre. Normalement, je joue jamais à ça. Celle-là. Oh! bah non, bah normalement c'est mon coup de maître, ça. Au début, ça marche toujours. C'est après que ça se gâte. Ah, vous allez me désintégrer, vous le savez bien. Hein. Attention, c'est encore pour du beurre. Bon, allez, celle-là, je vous la fais pour une petite pièce d'or. Ouais. Celle-là. Oh, bah dis donc, les touristes, là, on est tombés sur du champion. En somme, il récupère une pièce d'or du seigneur Caradoc. Encore 57 coups comme ça, vous récupérez le tout. Pièces d'or. C'est à quel moment que vous récupérez le tout? Ça fait une demi-heure que j'essaie, j'arrive pas à le pigeonner, il voit tout. L'œil de taupe. Allez, le prochain on le fait à 10 pièces. Mon coup fétiche. Celle-là. C'est pour votre jour. Bien fait. Maintenant, on va jouer à autre chose. Bah voilà, ça finit toujours mal. We'll be right back. Please leave a quick review and keep following the Lobster Podcast, guys. This month, we focused on youth from different perspectives, navigating disability and collaboration. Next month, we will dedicate our attention to an exciting new reality for us human beings. We're going to talk about eco-sensuality, eco-poetry and eco-music. I wonder, what do you know about these subjects already? Leave a comment or your desired questions underneath this episode. Stay tuned with the Lobster Podcast. Please connect with me, check out my bio, and learn more about me on www.lobstercoaching.com.